Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine passée, nous parlions des sans-domicile fixe, les SDF, et vous nous disiez que la misère était le fondement de la condition humaine, que nous naissions et mourions nus. Cette semaine, à l'inverse, parlons du bonheur. Les fêtes approchent et pour chacun, quels que soient ses moyens et ses chances, c'est un moment où on espère retrouver des instants paisibles en famille, entre amis, et même éventuellement dans son travail, dans son environnement professionnel où les relations s'imprègnent un peu des couleurs de Noël, des couleurs de la nouvelle année. Alors le bonheur, est-ce que c'est un droit? Je dirais même, avant même de répondre à cette question, Michel, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est certainement très subjectif. Une petite histoire pour commencer. Invité par une station de radio en beau jour pour commenter les événements de la semaine, j'ai raconté un coucher du soleil un soir d'automne devant le bois et le château de Vincennes où le couchant avait mélangé des couleurs bordeaux, violet, rose, finalement rouge garance. Et nul ne regardait ce miracle sur la pierre et dans le ciel. On ne le voyait pas. Même il y avait des photographes qui étaient là pour prendre des photos du donjon qui ne le voyaient pas du tout. Alors j'ai continué, j'ai dit le lundi en prenant le RER, j'ai regardé les yeux d'un enfant qui était extasié en accompagnant sa mère, etc. Puis le mardi, j'ai continué en citant des choses comme ça. C'est-à-dire ce qui, dans ma vie courante, fait l'essentiel des jours, les petits bonheurs, les petits miracles permanents, très nombreux. Et bien entendu, les journalistes présents qui avaient été choisis pour commenter les événements que j'avais choisis ont été excédés et m'ont averti d'arrêter, car, disait-il, je ne disais que les choses qui n'avaient pas d'importance. Et je n'ai jamais été réinvité à cette émission, bien entendu. Et ça n'était pas à France Info. Deux conclusions. Premièrement, c'est que la joie peut naître sans cesse autour de nous en regardant simplement les choses du monde, en regardant les enfants rire, en regardant les amants s'embrasser, en regardant les vieillards sourire, les timides oser parler, et même les inventifs qui ont des choses neuves à dire. Le bonheur Mais des autres. Mais nous n'aimons pas dire cela parce que cela paraît inconvenant et les journalistes ont raison. Et ils ont raison, d'autant plus qu'ils appellent nouvelle précisément ce qu'on entend sous ce titre-là. C'est-à-dire les meurtres, les catastrophes, les morts, les accidents, etc. Vous savez que le mot mort, nous l'avons dit, était le mot le plus répété sur les médias. Et si vraiment ils appellent ça des nouvelles, parce c'est que vous savez bien que les bonnes nouvelles ne font pas recette. Non, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, vous le savez. Mais si elles sont en effet dignes d'être reportées, c'est qu'elles sont rares. Et si elles sont rares, c'est que le bonheur est beaucoup plus commun et le malheur est rare, que la joie est journalière et la douleur exceptionnelle. Et par conséquent, je dirais bien pourquoi maintenant, puisque vous m'avez interrogé sur le pourquoi. Eh bien, tout simplement, parce que le bonheur, c'est l'oubli, la paix, c'est l'oubli, la joie, c'est l'oubli, que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, que les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire pas de mémoire. Et la preuve, c'est que ce qu'on appelle le devoir de mémoire ne porte que sur les morts. Moi, je voudrais dire qu'il y a un devoir de mémoire sur le bonheur. Et récemment, les sociologues ont publié une jolie courbe de satisfaction de la vie, c'est-à-dire du bonheur, et cette courbe croît de plus en plus à mesure qu'on vieillit et elle arrive à une sorte de palier entre 40 et 50 ans et elle croît jusqu'à 65 ans où est le sommet de la satisfaction de la vie. Ben, cela signifie que la vie consiste à acquérir de plus en plus de capacités de joie et de bonheur, que la jeunesse en effet est une période assez triste, que nous ne nous souvenons pas de l'enfance parce que justement on a été heureux et que le bonheur c'est l'oubli. Et puis il y a une période absolument extraordinaire à 65 ans où on est sur le pic en effet de la satisfaction de la vie. Alors ça c'est terrible ce que vous dites, parce que ça veut dire que tout le bonheur qui nous emplit, nous ne le voyons pas, nous n'en profitons pas. Tout le monde va désapprouver ce que je dis, bien entendu, parce qu'il ne faut parler en public que du pouvoir, que de la concurrence, que des accidents, que des catastrophes, de la mort et du mal. Et pourtant, je le répète, et je veux faire une déclaration solennelle, en disant que les mères qui accouchent, les enfants qui jouent, les ados qui rigolent ensemble, les corps vifs qui s'adonnent à l'exercice physique, les amants qui s'embrassent et qui s'apprêtent à faire l'amour, les timides qui arrivent à parler, qui arrivent va dire, les inventifs qui sont illuminés par une idée toute neuve, ceux qui s'adonnent à une œuvre, ceux qui savent regarder la beauté des choses du monde, et les vieillards qui se souviennent de la longueur de leur jour, voilà des producteurs de joie infiniment plus nombreux que les très rares oiseaux de proie qui s'occupent de la concurrence, de la puissance, du pouvoir et des assassinats. C'était votre balade des gens heureux. Et pas seulement ça, c'est que précisément, je voudrais dire que cette interdiction où nous sommes de dire toujours que le bonheur est la joie, que de dire que le volume de joie est infiniment plus puissant que le volume du malheur, eh bien, précisément, cette idée est une idée de bonheur, de nouveau, puisque tout montre aujourd'hui que les trous noirs dont on nous accable dans les médias, c'est-à-dire les catastrophes, les meurtres, les morts, etc., regardez énormément et tout justement l'extraordinaire plaisir que nous prenons à étaler ces catastrophes-là. Et ça doit être versé sans doute aussi du côté du bonheur, puisque nous avons du plaisir à le dire et à l'écouter surtout et à croire mais que c'est vrai. C'est le public qui recherche cette information. Ah, que ce soit le public ou les médias, ça n'a aucune importance. Je parle des hommes en général. Ah, oui. C'est-à-dire, en effet, nous prenons tous plaisir à la déclaration de ces catastrophes en étant complètement aveugle au fait que le volume de bonheur est très, très supérieur à ces volumes exceptionnels de catastrophes. Et par conséquent, je crois bien qu'il y a beaucoup de bonheur à ces déclarations de mal et à cette espèce d'interdit en effet qu'il y a de parler de la joie alors qu'il faut évidemment ne parler que des catastrophes. Mais qui interdit le bonheur ? Qui interdit de parler du bonheur ? Mais je viens vous le raconter. Je viens de vous raconter exactement l'idée de commenter les événements et que si vous dites les événements qui font et qui transpercent le temps de la joie du jour, eh bien, il est interdit d'en parler. On a supprimé l'émission et on ne m'a plus jamais réinvité parce que l'événement, c'est le mal. Oui, c'est mais ça dire... se passe aussi dans la rue, au bistrot, dans la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. On commente toujours les misères et les malheurs. Et mais je n'ai pas dit que quel était le responsable. Je n'ai pas envie de parler responsable puisque je parle du bonheur. Je pose la question. Je n'en sais rien. C'est ainsi. C'est génétique chez l'homme ? C'est ainsi. Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'homme. Je ne connais pas la génétique. Tout ce que je sais, c'est que l'évaluation objective des choses, non pas subjective, comme vous le disiez en commençant, c'est que le volume de joie et de bonheur est infiniment supérieur aux pointes et des trous noirs des catastrophes et du mal. Michel Serres, merci. Bonsoir et à dimanche prochain.